véritable propriété. Me rend toute chose, à chaque fois ça me fait quelque chose. Je suis sa chance, y'a pas une chose en moi qui n'y appartient pas. Chose, le direz-vous, ça appartient pas. Juger la chose, j'ai pas besoin d'une leçon de chose. Je suis sa chose, sa chose et sa maîtresse en même temps. Et quelque chose dit, ça va durer un petit temps. Je suis sa chose, sa chose et sa maîtresse en même temps. Et quelque chose dit, ça va durer un petit temps. Je suis sa chose, entre autres choses. Je fais donc partie de ces bien choses qui s'expliquent parce que je le veux bien. Je suis sa chose parce que ça me dit quelque chose. Je suis sa chose, sa chose et sa maîtresse en même temps. Et quelque chose dit, ça va durer un petit temps. Je suis sa chose, sa chose et sa maîtresse en même temps. Et quelque chose me dit, ça va durer un petit temps. À discussion, mais ce qu'on en dira, de toute manière, pour moi, ça ne changera pas grand chose. Je suis sa chose, je suis sa chose, sa chose et sa maîtresse en même temps. Et quelque chose dit, ça va durer un petit temps. Je suis sa chose, sa maîtresse en même temps. Et quelque chose dit, ça va durer.